Je suis juste un lover, un romantique qui voudrait être avec toi. Je suis juste un lover, un romantique qui voudrait être avec toi. Oh.